dans le jardin de Célio. Il fait nuit. Claudio, son valet et deux assassins sont prêts à bondir. Célio, frappant à la jalousie. « Marianne, Marianne, êtes-vous là ?» Marianne, paraissant à la fenêtre. « Fuyez, Octave! Vous n'avez donc pas reçu ma lettre ?»« Seigneur, mon Dieu, quel nom ai-je entendu ?»« La maison est entourée d'assassins. Mon mari vous a vu entrer ce soir. Il a écouté notre conversation. Et votre mort est certaine, si vous restez une minute encore. » « Est-ce un rêve ? » « Suis-je Célio ? » « Octave, Octave, nom du ciel, ne vous arrêtez pas. Puisse-t-il être encore temps de vous échapper ? Demain, trouvez-vous à midi, dans un confessionnal de l'église. J'y serai. » La jalousie se referme. « Oh, mort, puisque tu es là, viens donc à mon secours. Octave, traître Octave, puisse mon sang retomber sur toi. Puisque tu savais quel sort m'attendait ici et que tu m'y as envoyé à ta place, tu seras satisfait dans ton désir. Oh, mort, je trouve les bras. Voici le terme de mes mots. » Il sort. On entend des cris étouffés et un bruit éloigné dans le jardin. Octave arrive alors dans le jardin avec ses domestiques. Octave à ses gens. « Vite, venez, cherchez partout !» Claudio bat son valet. « Tout est-il fini, comme je l'ai ordonné ?»« Oui, monsieur, soyez en repos. Ils peuvent chercher tant qu'ils voudront. » Tous sortent.